quoi tu joues là? Combien de fois je vais te dire de pas diffuser ta musique de ma boule dans cette boutique? Quoi? J'ai pas le droit d'écouter un peu de musique? Quoi? Merde! C'est vrai quoi, la moitié du temps vous n'êtes même pas là, vous préférez que je reste assis comme un con dans un salon de mort? Ça change rien que je sois là ou pas, c'est mon règlement, c'est ma radio, ma boutique, ma musique, j'ai pas envie d'entendre cette merde! J'arrive même pas à piger ce qu'il baragouine, ne me dis pas que tu piges, j'écris! Ouais, ben mes oreilles à moi, elles captent tout. Ouais, ces conneries, tu les captes et tu captes rien quand moi je te dis de pas. Ah! Ouais! Ennuyé, c'est ce que j'appelle de la musique. T'entends ça? C'est de la musique, ça. Ça chante, c'est mélodieux, ça chante. C'est pas ton tas de bruit qui tchatche et qui fait quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi.